بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta Sin. Voici les versets du Coran, ceux d'un livre explicite, un guide et une bonne annonce aux croyants. Qui accomplissent la prière, acquittent la zakat et croient fermement l'au-delà. Inna alladhina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladhina lahum su'ul 'adhabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous embellissons leurs actions à leurs yeux. Alors ils errent tous aveuglément. Ce sont eux qui subiront le pire châtiment, et dans l'au-delà, ils seront les plus grands perdants. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. Quant à toi, tu reçois le Coran de la part d'un sage, d'un omniscient. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. Rappelle-toi lorsque Moïse dit aux siens: J'aperçois du feu au loin, je vous en rapporterai peut-être quelques renseignements, ou du moins un tison ardent, afin que vous vous réchauffiez. Lorsqu'il arriva à l'endroit en question, il entendit une voix l'appeler. Cette voix disait: Béni soit celui qui siège au centre et autour du feu, et gloire à Dieu, le Seigneur des mondes. Ya Moussa, innahu ana Allahu al-Azizu al-Hakim. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. Ô Moïse, c'est moi Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Jette ton bâton, ce que fit aussitôt Moïse. Mais quand il le vit se tordre comme un démon, il se tourna aussitôt pour s'enfuir précipitamment. Mais la voix lui dit: Ô Moïse, n'aie pas peur, les messagers n'ont jamais peur auprès de moi. Sauf ceux qui ont commis une injustice, mais si par la suite ils font le bien plutôt que le mal, je serai alors pardonneur et miséricordieux, et plonge ta main dans l'ouverture de ta tunique, et l'en ressortira d'une blancheur éclatante, mais sans aucun mal. Ce sera là un des 9 signes destinés à Pharaon et à son peuple. Il s'agit en vérité d'un peuple de pervers. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Mais lorsque nos signes leur parvinrent, clairs et explicites, ils s'écrièrent, c'est de la pure magie. Et bien qu'au fond d'eux-mêmes, ils en fussent convaincus, ils rejetèrent injustement et orgueilleusement nos signes. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون Nous avons vraiment apporté le savoir à David et à Salomon. Ils dirent « Louange à Dieu qui nous a préférés à plusieurs de ses croyants serviteurs. » Et Salomon fut l'héritier de David. Il dit « Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et nous avons été abondamment comblés de toutes choses. Il s'agit d'une faveur évidente de la part de Dieu. » Et pour Salomon furent rassemblées ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et elles furent placées en rang. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Et quand elles atteignirent la vallée des fourmis, une fourmi s'écria « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, sinon Salomon et ses armées vous piétineront sans s'en rendre compte. » Salomon sourit, amusé par ses propos et dit « Seigneur, fais que je te sois reconnaissant des bienfaits dont tu m'as comblé et dont tu as comblé mes parents. Fais que j'accomplisse de bonnes œuvres que tu agréeras et accueille-moi par ta miséricorde parmi tes vertueux serviteurs. » وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Puis il passa en revue les oiseaux et dit: pourquoi ne vois-je pas la huppe? Se serait-elle absentée? Je la châtillerai sévèrement ou l'égorgerai, à moins qu'elle ne m'apporte une excuse valable. Mais elle ne tarda pas à arriver et dit: j'ai découvert des choses qui t'avaient échappé et je te rapporte de Saba des nouvelles au sujet desquelles il ne fait aucun doute. J'ai découvert que la personne qui les gouverne est une reine comblée de tous les biens, dont le trône est magnifique. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Je les ai trouvés, elle et son peuple, adorant le soleil à la place de Dieu. Satan leur a embelli leurs actions à leurs yeux. Il les a détournés du chemin de vérité, de sorte qu'ils ne sont point guidés vers la bonne voie, et qu'ils n'adorent point Dieu, qui est celui qui dévoile ce qui est caché dans les cieux et sur la terre, et qui sait ce que vous cachez tout comme ce que vous déclarez ouvertement. Dieu, nulle divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Salomon dit: nous allons voir si tu dis la vérité ou bien si tu mens. Pars avec ma lettre que voici et jette la leur. Ensuite, tiens-toi à l'écart et attends de voir ce que sera leur réponse. Lorsqu'elle reçut la lettre, la reine dit: ô notable, une noble missive m'a été lancée. Elle vient de Salomon, et voici ce qu'elle dit. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne vous montrez pas hautain envers moi, mais venez plutôt vers moi en toute soumission. أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإن إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Elle dit: Ô notable, conseillez-moi dans cette affaire. Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présent pour me conseiller. Ils dirent: Nous détenons une force et une puissance redoutables, mais le commandement vous appartient. Alors regarde donc ce que tu veux ordonner. Elle dit: En vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils y sèment la ruine et font de ses honorables citoyens des humiliés. C'est ainsi qu'ils agissent toujours. Quant à moi, je vais leur envoyer un présent et verrai la réponse que me rapporteront nos émissaires. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Lorsque ceux-ci arrivèrent auprès de Salomon, celui-ci dit: Quoi, prétendez-vous me donner des richesses, alors que les biens dont Dieu m'a comblé valent mieux que ce qu'il vous a donné? Mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de ce cadeau. Retournez vers les vôtres, nous viendrons vers eux avec des armées contre lesquelles ils ne pourront opposer aucune résistance, et nous les chasserons de leur cité, honteux et humiliés. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Puis il dit à ceux qui l'entouraient: Ô notable, lequel d'entre vous m'apportera son trône avant qu'ils ne viennent à moi en toute soumission? Un djinn d'une force redoutable dit: Je te l'apporterai avant même que tu ne te lèves de ta place. Pour ce genre de tâche, je suis fort et digne de confiance. Quelqu'un qui avait une connaissance des Écritures proposa: Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Et lorsque Salomon vit enfin le trône posé près de lui, il dit: Cela vient de la grâce de mon Seigneur, comme une épreuve pour voir si j'en serai reconnaissant ou ingrat. Or, quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt, et quiconque est ingrat ne l'est qu'à son propre détriment. Car certes, mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Il dit encore, rendez-lui son trône méconnaissable. Nous verrons alors si elle sera guidée vers la vérité ou si elle s'avérera plutôt être du nombre de ceux qui ne sont point guidés. Lorsqu'elle fut admise auprès de Salomon, on lui demanda, « Est-ce bien là votre trône ?» Elle répondit, « C'est comme si c'était lui. » Salomon se dit, « Le savoir nous a été donné avant de la connaître, et nous étions déjà soumis à Dieu. » Et tout ce qu'elle avait l'habitude d'adorer à la place de Dieu l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. On lui dit, entrez dans ce palais. Mais quand elle le vit, elle le prit pour une étendue d'eau et elle découvrit ses jambes de peur de se mouiller. Alors Salomon lui dit, c'est un palais pavé de cristal. Elle répondit, Seigneur, je me suis certes fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon, à Dieu le Seigneur des mondes. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Et nous avons effectivement envoyé leur frère Salih au Thamoud. Il leur dit, adorez Dieu, mais ils se disputèrent à ce sujet et se divisèrent en deux groupes ennemis. Salih leur dit, ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Pourquoi ne demandez-vous pas pardon à Dieu? Peut-être se montrera-t-il miséricordieux envers vous. Ils répondirent, toi et ceux qui te suivent n'êtes pour nous qu'un présage de malheur. Salih répliqua, votre malheur ne peut dépendre que de Dieu. Vous êtes plutôt un peuple que Dieu veut éprouver. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre et refusaient de s'amender. Ils dirent, jurons par Dieu que nous attaquerons Salih et sa famille de nuit. Ensuite, nous dirons à son héritier chargé de le venger, nous n'avons pas trempé dans ce meurtre, et nous disons certes la vérité. Ils tramèrent un complot et à leur insu, nous ourdîmes une ruse qui vint déjouer la leur. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دم دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Vois donc ce que fut la conséquence de leur stratagème. Nous les détruisîmes tous, eux et leur peuple. Voilà donc leur demeure déserte et en ruine à cause de leurs méfaits. Il y a en cela un signe certain pour ceux qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui croyaient et qui craignaient Dieu. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Et Lot, lorsqu'il dit à son peuple, « Quoi, accomplissez-vous sciemment cette chose abominable ? Est-ce vers des hommes plutôt que vers des femmes que vous portent vos désirs charnels ? Vous êtes vraiment un peuple insensé. » فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ. La seule réponse de son peuple fut « Expulsez la famille de Lot de votre cité. Ce ne sont que des gens qui prétendent à la pureté. Nous le sauvâmes ainsi que sa famille, sauf sa femme, dont nous avions déterminé qu'elle serait au nombre des exterminés. Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres. Quelle pluie effroyable pour ceux qu'on avait avertis en vain !» قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Dis, louange à Dieu et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Lequel est le meilleur, Dieu ou ce qu'il lui associe ? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui fait descendre du ciel une eau par laquelle nous faisons croître de splendides vergers dont vous ne seriez jamais capable autrement de faire pousser les arbres. Y a-t-il quelque autre divinité en dehors de Dieu ? Non, mais voilà des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme demeure, l'a faite parcourir de rivières ? y a fixé des montagnes fermes et établi une barrière entre l'eau salée et l'eau douce. Y a-t-il quelque autre divinité en dehors de Dieu ? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ N'est-ce pas lui qui répond au désespéré quand celui-ci l'invoque, qui met un terme à ses souffrances, et qui a fait de vous les héritiers de la terre ? Y a-t-il quelque autre divinité en dehors de Dieu ? Vous réfléchissez bien peu. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents annonciateurs de sa miséricorde ? Y a-t-il quelque autre divinité en dehors de Dieu ? Dieu est très élevé au-dessus de tout ce qui lui associe. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ N'est-ce pas lui qui commence la création, puis la recommence une autre fois, et qui vous apporte votre subsistance du ciel et de la terre ? Y a-t-il quelque autre divinité en dehors de Dieu ? Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Dis, nul être parmi ceux qui vivent dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, à part Dieu. Et ils ne savent point à quel moment ils seront ressuscités. Leur science se rejoint au sujet de la vie dernière. Ils doutent plutôt de son existence, ou plutôt, ils sont aveugles à son sujet. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين Ceux qui ne croient pas disent « Lorsque nous serons réduits en poussière, nous et nos ancêtres, allons être sortis de nouveau ? On nous a déjà promis cela, de même qu'à nos ancêtres. » Ce ne sont là que des fables racontées par les anciens. Dis-leur, parcourez donc la terre et voyez ce qu'il est advenu des criminels. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ne t'afflige pas pour eux et ne te laisse pas angoisser par leur complot contre toi. » Et il demande : « À quel moment cette promesse doit-elle s'accomplir si vous êtes véridique ?» Réponds-leur : « Il se peut qu'une partie de ce que vous cherchez à hâter soit déjà sur vos talons. » وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. Certes, ton Seigneur est plein de générosité envers les gens, mais la plupart d'entre eux ne sont point reconnaissants. Ton Seigneur, certes, connaît parfaitement ce que cache leur poitrine, autant que ce qu'ils disent tout haut. Et il n'y a rien de caché dans les cieux ou sur la terre qui ne soit inscrit dans un livre explicite. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. Certes, ce Coran explique aux enfants d'Israël la plupart des sujets qui les divisent. Cependant qu'il est, pour les croyants, une guidance et une miséricorde. Certes, ton Seigneur tranche entre eux par la justice. C'est lui le Tout-Puissant et le Très-Sachant. فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Alors, place ta confiance en Dieu, car tu es sur la voie de la pure vérité. Tu ne peux faire entendre les morts, ni faire entendre cet appel aux sourds, quand il s'enfuit en tournant le dos. Et tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne peux faire entendre personne à l'exception de ceux qui croient en nos signes et qui se soumettent. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. Lorsque notre arrêt s'accomplira contre eux, nous ferons surgir de la terre une bête. Elle leur parlera. Les hommes n'avaient pas certitude de nos signes. Le jour où nous rassemblerons, de chaque communauté un groupe, composé de ceux qui rejetaient nos signes, et qu'ils seront placés en rang. Puis, quand ils seront là, Dieu dira : « N'est-ce pas que vous démentiez mes signes sans en avoir science complète ? Que faisiez-vous d'autre ? » Et notre arrêt s'accomplira contre eux à cause de leurs méfaits, et ils ne pourront rien dire. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ N'ont-ils pas vu que nous avons désigné la nuit pour qu'ils se reposent et le jour pour qu'ils puissent voir clair. Certes, il y a en cela des signes pour des gens qui croient. Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre en seront figés de terreur, sauf ceux que Dieu voudra épargner, et ils viendront tous humblement se présenter devant lui. Et tu verras les montagnes que tu crois figées filer comme des nuages, telle est l'œuvre de Dieu, qui fait tout à la perfection, et il est parfaitement informé de ce que vous faites. Ceux qui se présenteront avec une bonne action auront une récompense encore meilleure, et ce jour-là, ils seront à l'abri de tout effroi. فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Et ceux qui se présenteront avec une mauvaise action seront jetés face première dans le feu. Il leur sera dit « Êtes-vous rétribués autrement ?» qu'en fonction de vos œuvres. Il m'a seulement été commandé d'adorer le Seigneur de cette cité, la Mecque, qui l'a sanctifiée, et c'est à lui qu'appartient toute chose. Et il m'a été commandé d'être du nombre de ceux qui se soumettent à lui en vrais musulmans, et de réciter le Coran. Quiconque suit le droit chemin ne le suit que pour le bien de son âme. Quant à celui qui s'égare, dis-lui, je ne suis qu'un avertisseur. Et dit, louange à Dieu. Il vous montrera bientôt ses signes, et alors vous les reconnaîtrez. Et ton Seigneur n'est point inattentif à ce que vous faites.